Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Bouliane, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. On va parler de golf avec notre ami Sébastien Marceau. C'est la première chronique du club de golf de Dolbeau-Mistassini avec commandité par BR Metal. Salut Sébastien. Salut Danny. Première chronique cette année. Comment que ça se passe le club cette année, l'achalandage et ainsi de suite? On sait très bien. On a une très forte demande depuis que le déconfinement a commencé. Il a attiré beaucoup de monde. Les gens n'avaient pas grand-chose à faire comme dans le sport. Ben il y a oui. plusieurs qui sont lâchés dans le golf. On a eu plusieurs gens qui sont venus jouer. Puis là, ben, hier, je passais justement en face de Jean Dolbeau. Normalement, il y a du soccer tous les soirs. Puis là, il n'y en avait pas. Puis ça m'a choqué un peu. Donc, au moins, est-ce que tu vois plus de jeunes? Parce que normalement, ces jeunes-là, sont au soccer. Là. Donc, est-ce que tu les vois? Dans les jeunes, je peux pas te dire que j'ai vu beaucoup de jeunes. Je vois beaucoup d'adultes, par exemple. Beaucoup okay. de nouveaux adultes que j'ai jamais vus. Le mardi, on a parti une ligue depuis deux semaines, la ligue du COVID. C'est les gens qui veulent venir jouer au golf pour 15$ avec un panier gratis. Ils viennent jouer, puis regarde, ça fait deux mardis en ligne qu'on a 60 personnes. Eh, hey, monsieur, puis normalement, t'en faisais quoi? Ah, normalement, on n'en faisait pas. C'était pas une affaire qu'on faisait. On trouvait qu'on a voulu trouver une idée pour attirer du monde plus tard qu'à 6 heures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont parents, ils ont des bains à donner, des choses comme ça. Fait qu'on on a voulu attirer le monde plus tard qu'à 6 heures. Fait que le monde peut venir jouer jusqu'à 6h30. Fait que je pense que ça a été populaire. En tout cas, ça a pogné dans les deux dernières semaines. Ben, au moins, c'est ça qui est le fun. Au moins, vous bénéficiez de quelque chose, là. Puis ça, c'est de l'achalandage que vous avez, là. C'est ça. C'est dans un qu'on a, puis là, le lundi, il y a la soirée des dames qui a commencé la semaine passée. Il y a quand même eu 18 filles qui sont venues jouer. Déjà là, c'est déjà nouveau. C'est beaucoup de dames pour la première fois. Mais peut-être ça va être plus achalandé les autres fois, là. OK. Est-ce que tu vois des nouveaux visages? Oui, je vois des nouveaux visages cette année. Des anciens membres qui sont de retour. J'ai vu au moins une dizaine de gars qui étaient pas membres avant, qui redeviennent membres. Okay. Pour cette année, à date présentement, dans le membership, il y a 5 personnes de différents. L'année passée, on était 89. Cette année, on est 84. Pour présentement, là, ce que je te dis. Là. OK. Mais là, ça, c'est pour ça, normalement, vous ne saviez même pas quand est-ce que vous alliez commencer la saison de golf. Fait que c'est sûr que c'est dur de partir une campagne de recrutement. Là. C'est des green fees qu'il faut avoir. C'est vrai de ça. On a mis l'emphase sur les green fees beaucoup. J'ai même pas de calendrier de sortie d'année, j'ai rien. On savait pas ce qui allait se passer. Fait que j'ai même pas de calendrier, j'ai pas de tournoi de fixé, rien depuis pour présentement. Mais ça va arriver dans la semaine prochaine, je vais préparer mon calendrier. OK. Dis-moi, y a-tu eu des beaux coups? Y a-tu Oui, on a eu présentement, on a déjà trois trous d'un coup, deux. Il y a trois trous d'un coup de jouer déjà, ça fait. OK. Donc, lundi, Caroline Fortin, à la soirée des dames, qui a fait son premier tour d'un coup. OK. Ah, c'est déjà bon. C'était quel trou, hein? Au trou numéro 2 avec un fer numéro 6. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Donc, puis là, ben, les ligues régionales de tournoi vont-tu recommencer? C'est-tu... C'est pas encore définitif, Danny. Je peux pas te le confirmer. Je vais avoir plus de choses à dire la semaine prochaine parce que tout est ambigu encore, là. T'sais, on a eu des confinements tranquillement. Là, on a eu des nouvelles choses, donc je peux pas t'en dire plus vraiment. Là. Okay. Tout ce que je peux dire, c'est que présentement, au club de golf, ça va bien. Les membres sont là, il y a des non-membres qui viennent, les green fees sont là. On a mis beaucoup d'emphase cette année. On a envoyé à tous les commerces de Dolbeau-Mistassini des green fees gratuits, 5 green fees gratuits, pour les attirer qu'ils pourraient se prendre un visa, peut-être un visa de 25, quelque chose de même. On va essayer de mettre l'emphase là-dessus un petit peu. Là. OK. Ça fait le tour pour cette semaine, Sébastien? Ça fait le tour pour cette semaine. Samedi, c'est le bar qui ouvre en haut, donc les gens vont pouvoir aller prendre une bière à partir de samedi. Mais là, les bars, vous n'avez pas eu votre. Vous n'avez pas eu encore votre hockey, mais prenez-les. C'est une bonne affaire de le prendre aussi. je pense qu'on a. Vu qu'on est un restaurant, Danny, on a le droit d'ouvrir le bar aussi, vu que c'est un restaurant-bar. OK. Bon, ben, on s'en reparle bientôt. C'est beau, à la prochaine, Danny. Voilà, donc c'était Sébastien Marceau du club de golf de Dobo-Mississippi, qui a une tonique commanditée par BR Metal.